La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marcel Pagnol est mort en 1974 à l'âge de 79 ans et c'est comme s'il n'avait cessé depuis lors d'être un classique du cinéma et de la littérature française sans avoir eu à passer par un réel purgatoire. À vrai dire, de son vivant déjà, il semblait appartenir à cette catégorie de classique contemporain, tant ses intrigues semblent découler d'une source immémorielle, jamais tout à fait actuelle, et donc jamais vraiment démodée. Pagnol puisait ses intrigues dans les invariants de l'humanité, il évoquait l'amour, l'amitié, le départ, l'enfance, les tromperies, la jalousie, l'envie, mais à ces ingrédients, qui appartiennent à tous, il a su ajouter un génie qui lui était propre, comme nous allons le voir ici, jusqu'à jeudi. Jeudi, justement, nous serons en compagnie de Marion Brun, chercheuse en littérature, qui questionnera avec nous l'étiquette régionaliste de l'auteur, tout en évoquant la fluidité d'histoire que Pagnol a fait glisser entre théâtre, cinéma et roman. Mercredi, c'est de Pagnol et Giono, et plus largement du rapport de l'écrivain à sa Provence natale, dont nous parlera Thierry Dé. Tandis que demain, nous présenterons les grands thèmes de l'œuvre en compagnie de Karine Anne. Et aujourd'hui ? Certainement beaucoup de choses qui m'ont déplu dans mon enfance, celles-là je les ai oubliées. Je n'ai jamais dit que mon père m'avait donné parfois des gifles fort méritées, mais je ne me souviens pas à quelle occasion ni quand. Je ne me souviens que des bons moments de ma jeunesse, de mon enfance plutôt, du temps où la vie était tellement plus facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour raconter la vie, et singulièrement les jeunes années de Marcel Pagnol, nous sommes en compagnie d'Hélène Rivière, dont vous avez entendu le nom régulièrement au générique de cette émission, du temps pas si ancien où elle y était stagiaire. Aujourd'hui agrégée de lettres modernes, spécialiste de l'œuvre de Pagnol, sur lequel elle a travaillé lors de son mémoire de master, elle s'apprête à écrire une thèse qui porte sur le rapport de l'écrivain et cinéaste avec l'école. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. Vous pensiez, je pense, depuis longtemps à écrire des pièces sur votre midi. Non, pas du tout. Ah non ? Pas du tout. Non, mais seulement, vous savez, quand on est loin de son pays, on y pense davantage. Et alors, je me suis mis à écrire Marius à Paris, simplement pour mon plaisir. Et je pensais que cette pièce serait peut-être jouée à l'Alcazar de Marseille. Je ne pensais jamais que cette pièce serait jouée à Paris. Et quand j'ai fini la pièce, j'ai donné le manuscrit à mon ami Franck, qui vient de mourir il y a quelques mois, qui était le directeur de l'Alcazar. Et je lui ai demandé s'il ne voulait pas la jouer chez lui. Là, lui, il m'a dit, tu es complètement fou. On va jouer ça à Paris et ça sera un très gros succès. Parce que vous imaginiez qu'une pièce sur le midi ne pouvait pas intéresser les Parisiens. Je pensais que c'était une pièce très locale. Et d'autre part, quelques essais avaient été faits pour implanter à Paris des troupes marseillaises. Ça n'avait pas réussi du tout. Bonjour Hélène Rivière. Bonjour Mathieu. Alors, Marcel Pagnol, c'est Marseille, hein, c'est le sud de la France, c'est une région que vous connaissez bien puisque vous êtes originaire, on va tout savoir, on va tout dire à nos auditeurs. De Nice, sur la Côte d'Azur, on imagine que vous n'aimez pas trop qu'il soit réduit, votre cher Marcel Pagnol, à cette étiquette d'écrivain du soleil. C'est vrai, c'est vrai. En fait, on ne peut absolument pas passer à côté de cet élément majeur de son œuvre. Il est marseillais. Il a fait de Marseille et de la Provence un cadre référentiel omniprésent dans ses œuvres. Mais ce qui est gênant, c'est de le réduire uniquement à ça et d'avoir une vision partielle de son œuvre, en fait, avec cette réduction à l'étiquette simplement de régionaliste et de Marcel Pagnol qui nous fait sentir la lavande et entendre les cigales. Donc, mais qu'est-ce que ça apporte quand même de se souvenir qu'il vient de Marseille ? Mais je pense que ça permet de comprendre tout le cadre qui entoure la création de ses œuvres, puisque elles sont extrêmement ancrées avec des références géographiques précises, une langue également reprise avec beaucoup de provençalisme ou des expressions provençales francisées qui vient se confronter à la langue en général du narrateur, qui elle est une langue beaucoup plus châtiée et recherchée d'un homme qui a eu une excellente éducation classique. Donc ça nous permet de comprendre à la fois cet usage de la langue et des éléments géographiques, spatio-temporels dans l'œuvre. Et ça nous permet voilà, de mieux cerner ce qui entoure l'œuvre et ce qui fait le cadre de l'œuvre, je Mais pense. À quel point avez-vous le sentiment qu'il revendique ses origines ? En fait, c'est venu assez tardivement dans sa carrière, puisque au départ, il a plutôt essayé de les masquer. Quand il est arrivé à Paris dans les années 20 avec l'ambition de devenir un écrivain, il n'a pas directement écrit des pièces ou des œuvres en rapport avec Marseille. Il essayait même plutôt de s'en détacher. Il avait fondé une revue Fortunio quand il était à Marseille avec des camarades de Cagnes et quand il est parti à Paris, il écrivait donc à ses camarades, il leur disait écoutez, il faut absolument arrêter avec cette idée de revue marseillaise, on ne va aller nulle part, l'avenir est à Paris, il faut absolument se concentrer sur la capitale. Donc au départ, il essayait absolument de se détacher de cette image de Marseillais provençal, provincial. Pourtant c'est devenu les Cahiers du Sud. Absolument, mais c'est devenu les Cahiers du Sud après son départ et une fois qu'il n'avait plus rien à dire en fait, puisque lui, il ne voulait absolument pas de ça. Mmh. Et en fait, il est revenu à ses origines, disons, d'abord avec Marius, mais surtout à la fin de sa vie, quand il a écrit ses souvenirs d'enfance, où là, il s'est absolument réinscrit dans toute cette tradition provençale et dans un passé nostalgique de ses origines. Alors vous vous êtes dit que vous alliez travailler sur un sujet en particulier qui est Marcel Pagnol et l'école. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques qui rapprochent l'école de cet écrivain et de ce cinéaste. En effet, il y en a énormément. Bon, il faut savoir que Marcel Pagnol a une triple relation avec l'institution scolaire. La première relation, qui est la plus évidente, c'est qu'il a lui-même été un élève, un étudiant de la Troisième République, ce qui est assez important. On y reviendra peut-être. La deuxième relation, c'est qu'il était lui-même fils d'un instituteur et d'un instituteur de la Troisième République, qui est un profil bien particulier, puisqu'il sortait de l'école normale d'instituteurs où les jeunes hommes et les jeunes femmes recevaient une éducation extrêmement laïque et devaient promouvoir les idéaux de la République dans les institutions scolaires. Et enfin, ce qui accomplit encore plus la relation multiple de Pagnol à l'institution scolaire, c'est qu'il a commencé sa carrière en tant que professeur d'anglais dans différents établissements de l'enseignement secondaire. Donc à la fois élève, fils d'instituteur et professeur, c'est vraiment une relation qui est absolument importante dans l'œuvre de Pagnol et dans son parcours biographique. Et est-ce que vous diriez que justement ces personnages de professeurs, d'instituteurs, ce sont des personnages de la Troisième République, c'est le professeur du public d'ailleurs, tel qu'on se l'imagine à cette époque-là. Oui, tout à fait. Il y a un nombre de professeurs et d'instituteurs énormes dans l'œuvre de Pagnol, dont un des plus importants et évidents est bien sûr Joseph Pagnol lui-même, qui est représenté dans les souvenirs d'enfance. Et c'est vraiment le père, hein. L'image tout à fait le hussard noir de la République, donc cet instituteur laïque qui veut en quelque sorte apporter le savoir et la raison aux élèves à qui il enseigne, lutter contre les préjugés de la religion, donc il est assez anticlérical, il lit le Petit Provençal, il est de gauche, plus ou moins de gauche, il lutte contre certains fléaux de la société, notamment l'alcoolisme, donc il est extrêmement sobre. Et ça, c'est vraiment l'archétype de l'instituteur de la Troisième République, représenté à travers le personnage de Joseph, mais aussi d'autres personnages dans les œuvres fictionnelles de Pagnol. Je pense notamment au personnage de Topaz, au début du moins de la pièce de théâtre, qui est également une espèce d'archétype, en fait, du hussard noir de la République. Et cet archétype, est-ce que c'est donc un portrait du père de Pagnol ? Oui, alors en fait, ça, il l'a dit ensuite. C'est un portrait un peu charge, en fait, du père de Pagnol, puisque donc Topaz, au début de la pièce, est un enseignant extrêmement honnête, extrêmement sobre, mais un peu naïf, et qui ne parvient pas à s'élever dans la société, en quelque sorte, puisqu'il est presque trop honnête. Il est même renvoyé parce qu'il est trop honnête. Exactement, il refuse de falsifier un bulletin scolaire, il refuse d'être soumis à des pressions de la part de bourgeois plus entre guillemets, important que lui dans la société, donc il est renvoyé à cause de ça. Sauf que Par la suite, il se trouve embarqué dans des affaires plus ou moins louches avec un conseiller municipal dont il devient le porte-nom. Il devient extrêmement riche, influent et en fait, il progresse dans la société en devenant de plus en plus amoral. Donc il prend goût à la malhonnêteté. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une pièce absolument... On peut pas dire que ce soit une pièce immorale, c'est plutôt une pièce amorale. Il n'y a pas de morale. À la fin, il est très heureux, il a beaucoup d'argent et il a oublié tous ses principes. C'est un portrait de Pagnol, ça? Et alors, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait y voir un peu un mélange de, au début, Joseph Pagnol et Marcel Pagnol qui lui-même regrettait un peu cette naïveté et cette... presque crédulité dans des principes de la part de son père. Et à la fin, bon, cette image d'homme d'affaires un peu opportuniste, ce serait vraiment une caricature de Pagnol. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté de Marcel Pagnol qui n'avait pas peur de gagner de l'argent, d'être un homme d'affaires qui gérait toutes ses entreprises et qui ne présentait pas ses excuses quand il s'agissait de s'élever dans la société. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une tour basse de roche bleue, plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvonne. La tour est un peu plus large que haute, mais comme elle sort du rocher à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence, et parfois un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline, c'est Garlaban, où les guetteurs de Marius, quand ils virent au fond du soir danser une flamme sur Sainte-Victoire, allumèrent 1000 fagots qu'ils préparaient depuis le matin. Le grand oiseau rouge, dans la nuit de juin, vola de colline en colline, et se posant enfin sur la roche du Capitole, il dressa ses ailes au ciel pour dire à Rome que ses légions des Gaules venaient d'égorger dans la plaine d'Aix les 100 000 barbares de Teutobochus. Mon père était le cinquième enfant d'un tailleur de pierre de Valréas, près d'Orange. La famille y était établie depuis des siècles. D'où venait-il? Sans doute d'Espagne, car j'ai retrouvé dans les archives de la mairie des L'Espagnol, puis des Spagnols. De plus, ils étaient armuriers de père en fils, et dans les eaux fumantes de l'Ouvèze, ils trempaient des lames d'épée, occupation, comme chacun sait, noblement espagnole. Les premières lignes de La gloire de mon père, le premier des quatre livres de souvenirs d'enfance de Pagnol, lu, évidemment, vous l'avez reconnu, Hélène Rivière, par Pagnol lui-même. On peut dire que c'était une enfance heureuse quand même. Oui, absolument. On peut dire qu'il a eu une enfance tout à fait heureuse. Bon, d'autant plus quand on lit les souvenirs, parce que comme on l'entendait très bien dans l'archive au tout début de l'émission, cette enfance heureuse a en plus été extrêmement idéalisé dans la retranscription qui en est faite dans les souvenirs d'enfance. Donc il ne faut pas se fier aux souvenirs d'enfance pour essayer croire lire une biographie. Je pense qu'il faut les prendre avec précaution en fait. On ne peut pas calquer une biographie de Pagnol uniquement sur ses souvenirs d'enfance parce qu'il manque énormément d'éléments, il en modifie d'autres. Il a un talent de conteur comme on l'entend dans ses lectures, mais aussi une propension à modifier ce qui s'est passé dans la réalité, ce qui est très souvent le cas dans toutes les autobiographies d'écrivains. Mais disons que comme on l'entendait, il a plutôt idéalisé son enfance et il ne revenait pas sur les gifles que son père a pu lui donner. Il a modifié parfois aussi des prénoms de personnages de manière un petit peu étrange. Son oncle, qu'on surnomme l'oncle Jules, parce que il raconte qu'il s'appelait Thomas et que Thomas c'est le nom pour dire un pot de chambre en provençal, donc on le surnommait l'oncle Jules. Mais en fait cet oncle Jules ne s'appelle ni Jules ni Thomas, il s'appellerait plutôt Joseph. Mais comme c'était aussi le prénom de son père, bon, il y a eu des changements à ce niveau-là. Enfin, tout un tas de petites choses qui ont été modifiées. Mais ça c'est effectivement quelques détails précis. Mais est-ce que vous avez le sentiment que Pagnol, de manière générale, a tendance à idéaliser alors non seulement sa propre biographie, mais de manière générale dans ses livres a donné une vision un petit peu idéalisée du monde? Alors, une vision idéalisée du monde, non, parce qu'il a un regard quand même assez cynique et acéré sur les défauts des caractères humains et sur la société. Je dirais plutôt une vision idéalisée peut-être de son passé ou du passé en général, ce qui n'est pas non plus tout, ce qui est un petit peu exagéré parce qu'il n'avait pas non plus un côté totalement passéiste, il était très moderne, il aimait énormément le progrès technique, il était positiviste en fait. Mais oui, dans les souvenirs d'enfance, on a quand même une vision idéalisée de son enfance et du passé. Il n'évoque pas, par exemple, après le décès de sa mère, le fait que son père se remarie assez rapidement avec une jeune femme qui n'apparaît absolument pas dans les souvenirs d'enfance. Et que lui n'aime pas, en réalité, il a du mal à supporter cette belle-mère. Voilà, alors il ne l'aime pas, disons qu'il a du mal à accepter cette union, en fait, qui arrive assez rapidement après la mort de sa mère. Parce que sa mère meurt quand lui est encore assez jeune. Tout à fait, il a 15 ans quand sa mère décède, c'est un véritable déchirement pour lui, on peut très bien l'imaginer, et donc il n'accepte pas le remariage de son père avec cette jeune femme, et voilà, il a du mal à... Il n'en parle absolument pas. Alors, on l'a dit, donc, le père est instituteur, la mère, elle était couturière. C'est ça. Quelle est l'ambiance de la famille? Quel est le milieu social? C'est un milieu social assez modeste, en fait. Assez modeste et en même temps extrêmement républicain et tourné vers l'enseignement et le savoir, évidemment, avec Joseph Pagnol en tant que père. Et c'est une sorte de microcosme où se jouent aussi un petit peu tous les grands enjeux idéologiques et politiques de l'époque, puisque par exemple, Joseph Pagnol, comme je l'ai dit, instituteur laïque, fervent défenseur du rationalisme, épouse Augustine, qui est, elle, plutôt catholique, voilà, qui fait baptiser Marcel Pagnol en cachette de son mari. Bon, elle avait accepté de ne pas se marier à l'église, mais elle fait quand même baptiser son enfant. Et voilà, donc on a un petit peu toutes ces querelles qui se rejouent au sein de la famille, notamment avec la belle famille et la sœur et le mari de la sœur d'Augustine. Alors, il y a le frère de Marcel Pagnol, ils sont plusieurs d'ailleurs dans la fratrie, mais il y en a un qui est un petit peu plus présent, c'est le frère Paul, qui va devenir paysan, et on a parfois l'impression, en tout cas Jean-Jacques Gélo-Blanc, qui a écrit une biographie de Marcel Pagnol chez Flammarion, insinue que finalement Pagnol raconte beaucoup la vie de son frère dans son rapport à l'arrière-pays et à la Provence, finalement davantage que le sien. Alors, bon, on peut le dire, et disons qu'il, là encore, il présente une image presque mythifiée, en fait, du destin de son frère, puisqu'il le considère comme le dernier chevrier issu des temps de Virgile. Donc il y a tout cet arrière-plan bucolique qui revient à l'évocation du petit Paul. En plus, le frère de Marcel Pagnol, donc Paul, connaît une fin prématurée, assez terrible, là encore, qui vient augmenter la liste des deuils que connaît Marcel Pagnol. Et donc, fort de ce deuil, de cette nostalgie du frère perdu assez tôt, il va avoir tendance à recréer cette image de Paul comme un homme des collines, vraiment, qui retourne à des valeurs de l'Antiquité, presque. Oui, les valeurs de la terre. On a peut-être un peu reproché aussi à Pagnol d'être un petit peu trop dans cette fibre-là, en tout cas aux yeux de certains. Alors, enfance idéalisée, milieu social modeste. En même temps, il y a cette maison de campagne qu'ils peuvent se permettre d'avoir chez les Pagnol et qui est devenue extrêmement célèbre. C'est la Bastide Neuve des Bellons, parce que c'est là que se passent quand même les souvenirs d'enfance. C'est rare pour une famille de ce type-là de pouvoir comme ça passer les vacances un petit peu en dehors de la ville. Disons que justement, la famille Pagnol représente un petit peu l'ascension d'une classe moyenne modeste à l'époque qui peut se permettre de faire ce genre de... Donc c'était une location, ils n'avaient pas acheté, qui peut se permettre de faire ce genre de location, notamment parce qu'ils se mettent en commun avec le couple de la sœur et le beau-frère d'Augustine. Donc, bon, c'est assez rare, ce n'est pas totalement impossible, mais c'est vrai qu'il représente un peu cette frange de la population qui commence à avoir accès à un peu plus de privilèges et de confort à cette époque-là. Et le confort, par exemple, c'est l'eau courante. Tout à fait. Or, on sait que l'eau, c'est très important dans l'œuvre de Marcel Pagnol. Absolument. Donc, quand il s'est relaté dans les souvenirs d'enfance, quand ils arrivent dans cette maison, la Bastide Neuve, qui n'était plus très neuve, comme le dit Pagnol, donc ils découvrent que cette maison dispose de l'eau courante, ce qui est absolument incroyable, surtout pour cette partie un petit peu reculée en fait de l'arrière-pays marseillais. Et c'est vrai qu'en fait là vont se rejouer des thèmes qui reviennent sans cesse dans l'œuvre de Pagnol, la préciosité de l'eau dans des terres arides que sont les terres des collines au-dessus de Marseille, et qui va faire notamment tout l'objet de l'intrigue de l'eau des collines dans ce roman, dans ces deux romans. Il va même demander à ce que soient gravés sur sa tombe les mots fontes, donc source, amicus, uxorem, dilexit. Alors il aimait beaucoup le latin. Hein. Tout à fait, donc fontes, amicus, uxorem, dilexit. Il a aimé les sources, ses amis, sa femme, qui est une citation de Virgile en fait. Et là, on touche à un point extrêmement intéressant du parcours de Pagnol, c'est qu'il était féru d'humanité classique. Il a eu un enseignement au lycée pétri de grec et de latin, donc il lisait Virgile dans le texte et il l'a même traduit. Il a traduit les bucoliques de Virgile et donc c'est vraiment quelque chose qui l'a accompagné tout au long de sa vie, cette pratique du latin qu'il remet sans cesse en perspective avec son propre héritage provençal, puisqu'il a tendance à associer le Latium et tous les paysages décrits par Virgile et d'autres poètes du monde latin antique aux paysages méditerranéens de la Provence, qui sont à peu de choses près les mêmes. Le mois de juin fut un mois sans dimanche. Il me parut bordé de hautes murailles, et ce long corridor de prison était fermé là-bas par une épaisse porte de fer, la porte des bourses. Ce fut le mois des révisions générales, que je fis avec passion, non point par amour de la science, mais soutenu par la vanité d'être le champion qui allait défendre l'honneur de l'école du chemin des Chartreux. Cette vanité tourna très vite au cabotinage. Pendant les récréations, je faisais les 100 pas tout seul le long du mur de la cour. Grave, le regard perdu, la lèvre marmonnante, je révisais, sous les yeux de mes camarades, qui n'osaient pas s'approcher du penseur. Et si quelque audacieux m'adressait la parole, je feignais de tomber du haut de la science, et j'abaissais un regard douloureux vers l'importun, aussitôt morigéné à voix basse par les supporters du champion. Cette comédie que je jouais avec une sincérité d'acteur ne fut pas inutile. C'est parfois en jouant les héros qu'un cabotin devient un héros véritable. Mes progrès étonnèrent mes maîtres, et quand vint le jour de l'examen, col rabattu, cravate à gants, la joue pâle et le cheveu plat, je me tirais fort bien d'affaire. Monsieur le directeur, qui avait des intelligences dans le jury, nous apprit que ma rédaction avait été fort remarquée, ma dictée parfaite et qu'on avait apprécié mon écriture. Par malheur, je n'avais pas su résoudre le second problème qui concernait les alliages. Son énoncé avait été rédigé avec tant de finesse qu'aucun des 200 candidats ne l'avait compris, sauf un nommé Oliva, qui obtint ainsi la première place. Je n'avais que la seconde. On ne me gronda pas, mais ce fut une déception. Elle se traduisit par un tollé général, lorsque monsieur le directeur, dans la cour, au milieu de ses maîtres, lut à haute voix le fatal énoncé. Il dit, oui, il le dit devant moi, qu'à première vue, il n'y comprenait rien lui-même. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrand. Avec cet extrait du Château de ma mère, lu par l'auteur lui-même. Qu'est-ce qu'on peut dire, Hélène Rivière, du caractère de Marcel Pagnol, qu'on entend un petit peu ici, mais bon, encore une fois, peut-on s'y fier vraiment ? Bon, alors encore une fois, disons que ce caractère est largement mis en scène et avec une certaine ironie, d'autant plus lorsqu'elle vise l'enfant qu'était Marcel Pagnol, qu'il considère comme un petit personnage qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il est devenu lui-même. Donc, mais c'est vrai qu'on a en germe un petit peu ce côté cabotin, sûr de lui, et en même temps ayant à cœur de réussir et de rendre fier quelque part sa famille et son milieu d'origine, puisqu'il est très important pour lui d'obtenir ce concours des bourses, d'entrer dans l'enseignement secondaire en tant que boursier. Ça n'a rien d'évident, en fait, en venant d'une école primaire comme la sienne, ça n'avait rien d'évident. Et donc, on voit déjà un peu cette volonté d'ascension sociale mêlée à une bonne humeur aussi, qui est un petit peu sa marque de fabrique. Absolument, absolument. En fait, il y a vraiment une voix humoristique chez Pagnol qui teinte tous ses souvenirs, mais aussi ses œuvres de fiction, et qui est toujours habilement mêlée à une sorte de lyrisme, de pathos dans certains extraits. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce ton un peu soit humoristique, soit ironique, mais jamais une ironie mordante, toujours une ironie assez tendre en fait, un humour de connivence, en fait, qui vient avec les lecteurs et qui parle des personnages qu'il évoque toujours avec tendresse. Donc, vous l'avez dit, c'est un jeune homme assez érudit qui aime le latin, mais qui lit aussi un certain nombre de langues. Hein. Il deviendra, vous l'avez dit, professeur d'anglais. Il aime tôt la poésie. On peut signaler aussi, dans les années de lycée, la rencontre avec un autre écrivain qui va devenir célèbre, c'est Albert Cohen. Absolument. Alors, Albert Cohen, qu'il rencontre au moment où il redouble sa classe de quatrième, donc Marcel Pagnol qui redouble sa classe de quatrième, ce qui lui donne l'occasion de rencontrer le jeune Albert Cohen. Son père n'a pas dû apprécier ça, parce que même en professeur, sachant qu'il avait appris à lire Marcel Pagnol avant tout le monde. Oui, oui, et puis voilà, il avait un peu cette image d'élève modèle extrêmement brillant, et il se trouve en fait que quand il arrive au lycée, il a tendance à se reposer un peu sur ses acquis, à travailler les matières qui lui plaisent, mais il est par exemple assez médiocre en sciences. Et ça changera à la fin de sa vie. Tout à fait, il se passionnera ensuite. Il voudra essayer de démontrer le théorème de Fermat sur les nombres premiers, il voudra essayer de découvrir le secret du mouvement perpétuel. Enfin, c'est vraiment un homme qui s'intéressait à toutes sortes de domaines, sans beaucoup d'autocensure. Avec beaucoup d'ambition. Oui. Absolument, absolument. Mais donc, pour en revenir à Albert Cohen, il le rencontre à l'occasion de cette année de quatrième, et ils vont lier une amitié qui durera en fait toute leur vie, et qu'on peut suivre notamment à travers leur correspondance. Donc c'est vrai que c'était plutôt Albert Cohen qui avait tendance à beaucoup écrire à Marcel Pagnol, qui ne répondait pas toujours, mais qui était quand même assez présent et toujours très attentionné vis-à-vis d'Albert Cohen. Et c'est vrai qu'ils ont eu une belle relation épistolaire, parce qu'ils ne se voyaient pas si souvent que ça, mais et leurs années d'enfance les ont profondément marqués tous les deux. Ils en ont gardé un souvenir absolument splendide. Est-ce que vous savez si Pagnol a lu, par exemple, Belle du Seigneur? Oui, oui, tout à fait. Alors, il a lu Belle du Seigneur et il a écrit des articles dans la presse pour encenser l'œuvre d'Albert Cohen et en faire la promotion aussi quand il écrit notamment Solal ou les ouvrages précédents. Parce que c'est-à-dire que Cohen a commencé sa carrière d'écrivain bien plus tard, puisqu'il a eu une carrière de fonctionnaire international. Et Pagnol, dès qu'il en avait l'occasion, encourager Cohen à écrire et faisait la promotion en quelque sorte de ses ouvrages. Donc oui, il l'a lu. Alors le jeune Pagnol, c'est aussi quelqu'un qui aime le sport, la boxe, le foot en particulier. Son camarade Michel Briand racontera qu'il était même du genre à déserter la bibliothèque pour aller boxer. C'est donc quelqu'un de plutôt athlétique, mais quand la guerre se présente, voilà qu'il est réformé. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand même? Alors, qu'il est réformé pour une constitution faible. Voilà, pour faiblesse de constitution, c'est assez étrange en effet. Alors qu'il était assez, il était assez sportif et il n'avait peut-être pas une condition physique excellente en fait. On ne sait pas exactement, mais il se trouve que oui, très rapidement, il est réformé pour faiblesse de constitution, alors même que les gens qu'il voit dans la rue ne le trouvent pas particulièrement boiteux ou borgne. Donc c'est vrai que c'est un énorme problème pour lui, puisqu'il va prendre un poste d'enseignement en plein dans la guerre. Il va se retrouver un des seuls jeunes hommes. Et il le vit mal alors. Disons que je pourrais pas dire comment lui il le vit, mais il est vrai que les autres personnes autour de lui sont un petit peu outrées de voir ce jeune homme. Presque un des seuls jeunes hommes, en fait, dans les villes, les villages, à ce moment-là, qui n'a pas l'air si mal que ça, enseigner alors que ses camarades sont au front. Ouais. Alors Giono, dont on parlera longuement cette semaine, et en particulier mercredi, ils seront amis, enfin une amitié quand même assez difficile, est évidemment antimilitariste. Mm-hmm. Est-ce que Pagnol aussi? On peut pas dire qu'il soit antimilitariste. Pacifiste. Disons qu'il a tendance à dénoncer toute forme d'absurdité, y compris l'absurdité de la guerre, mais il ne va pas pousser cette dénonciation de manière aveugle. C'est-à-dire que à partir du moment où il faut défendre le territoire national, où il faut protéger la France, il ne va pas condamner le fait de faire la guerre. Mmh. Après, c'est vrai qu'il a un regard toujours extrêmement critique sur ce genre de choses, comme dans sa pièce, une de ses premières pièces qui s'appelle Les Marchands de gloire, et qui a un regard absolument acéré, mais plutôt sur l'après, c'est-à-dire sur les marchés qui se faisaient autour des décorations militaires, l'honneur qu'on pouvait en retirer, que les familles en retiraient alors que leurs enfants étaient morts au front. C'est plutôt une critique de l'hypocrisie. Oui, tout à fait, de l'hypocrisie liée aux honneurs, de quelque chose qui a été au fond une barbarie. Oui, parce que lui-même a été meurtri par la mort d'un certain nombre de ses amis, et notamment Lily des Bellons, qu'on voit beaucoup comme personnage dans les souvenirs d'enfance. Celui qu'il appelle son petit frère des collines dans les souvenirs d'enfance, et qui est un petit paysan qu'il a initié en fait à tous les secrets des plantes, des animaux. C'est lui qui lui apprend à braconner quand il est en vacances. Donc il a vraiment passé toutes ses vacances avec ce jeune homme qui, lui, est mobilisé et meurt au front en 1918, je crois, vers la fin de la guerre. Donc, il est particulièrement touché. Il a perdu d'autres camarades. Mais c'est vrai que la mort de Lily est évoquée dans les souvenirs d'enfance de manière particulièrement, particulièrement touchante. Est-ce qu'il y a question dans les souvenirs d'enfance du mariage de Pagnol en 1916 avec une très jeune fille, qui est même encore mineure à l'époque? Alors, il n'en est pas question puisque les souvenirs d'enfance s'arrêtent finalement assez tôt quand Marcel Pagnol passe le baccalauréat. Donc on n'a pas tout à fait la suite. Mais c'est vrai que juste après, il se marie avec cette jeune femme, Simone Collin, en 1916. Et au grand dam de Joseph Pagnol, d'ailleurs, qui est un petit peu désespéré de voir son fils se marier aussi jeune et avec une jeune femme qu'il n'appréciait pas non plus tellement. Il doit y avoir une volonté d'indépendance, on imagine, tout à fait, derrière. Tout à fait, une volonté d'indépendance, voire même d'émancipation, en fait. Et qui se traduit aussi par le départ à Paris, puisque en 1922-23, bon, on fait un petit saut dans le temps, Pagnol est nommé au lycée Condorcet, il est donc devenu professeur. Il imagine sans doute qu'il va faire une carrière de professeur. Alors, il a déjà quand même bien derrière la tête l'idée de devenir écrivain, et le fait de venir s'installer à Paris le conforte un peu dans cette idée. Mais c'est vrai qu'en fait, il est nommé assez jeune à Condorcet, à Paris. Et c'est notamment dû au fait que les professeurs les plus expérimentés, au sortir de la Première Guerre mondiale, refusaient Paris, puisque Paris connaissait une crise du logement après toutes les destructions liées à la guerre. Et donc, ils envoyaient un petit peu les jeunes professeurs ambitieux. Donc, c'est pour ça qu'il a atterri au lycée Condorcet. Alors, il était logé au lycée, mais il dira que c'est grâce à la crise du logement, si l'on peut dire, qu'il deviendra au c'est fond ça, c'est, dramaturge. C'est ce qu'il dit avec ironie, que c'est grâce à cette crise du logement qu'il a pu être muté à Paris et commencer sa carrière d'écrivain à Paris. Tu as commencé par être professeur, oui, mais très rapidement, tu es devenu auteur dramatique. Il y avait donc là une vocation, et cette vocation, elle ne s'est pas manifestée. Je voulais être écrivain, tu comprends. Lorsque j'étais jeune, je faisais des poésies. Je faisais des déclarations d'amour, même pour mes camarades, pour quand ils étaient amoureux. Oui. Et on me payait avec des caramels mous. Tu comprends? Oui. Oui. Mais comment ça s'est manifesté? Et après, j'ai voulu écrire des romans. J'avais écrit un petit roman que j'avais porté chez Grasset. Et j'avais été reçu par un jeune homme, dont j'ai malheureusement oublié le nom, j'étais un imbécile d'avoir oublié, qui me dit, monsieur... D'abord, ça, c'est trop petit pour qu'on le publie comme un roman, mais je voulais vous dire un mot. Vous n'êtes pas un romancier, vous êtes un auteur dramatique. Pourquoi? Parce que vous n'employez jamais de propositions subordonnées. Vous faites toujours parler les choses. Vous dites pas « il m'a dit que », vous dites « il m'a dit » et vous mettez ce qu'il vous a dit. Ça, c'est un auteur dramatique. Il tient peut-être. Je vais commencer à écrire des tragédies, mais alors c'était des tragédies en vers, n'est-ce pas? Je me suis mis à essayer d'écrire des comédies. Mais je n'ai pas réussi tout de suite. Enfin, je veux dire, quand j'ai écrit Topaz, j'avais 26 ans. Entretien avec Pierre Cardinal. Bah oui, c'est bien dans le théâtre, avant d'exceller dans le cinéma et dans les mémoires, que va commencer Pagnol. C'est juste, ça vous semble juste ce qu'il disait là sur le dialogue, sur le fait qu'il n'était pas au fond vraiment un romancier, qu'il ne le serait presque jamais. Alors, je pense que oui, on peut absolument reconnaître ce talent, voire ce brio pour les dialogues et le discours direct en général, voilà, vraiment présenter les paroles telles qu'elles seraient prononcées par les personnages. Mais je pense que c'est aussi tout ce qui fait le talent de Pagnol en tant que romancier, puisque un roman, c'est aussi une suite de dialogues, de répliques. Et donc, c'est vrai que je pense que ça ne disqualifie pas son travail d'écrivain et de romancier, mais ça en fait une caractéristique extrêmement importante. Et en effet, on a tous ces dialogues et ces termes juste rapportés dans la bouche parfois du narrateur qui font tout le sel de la prose de Pagnol, en plus de faire tous ces textes dramatiques. C'est vraiment un écrivain de l'oreille. Absolument, absolument. C'est un écrivain de l'oreille. C'est un écrivain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi autant de plaisir à l'écouter et lire ses textes, parce qu'il avait un véritable talent de conteur et que ses textes se prêtent particulièrement bien à la lecture à voix haute. Oui, parce qu'il faisait très attention à ce que la diction soit la plus aisée possible pour les acteurs. Tout à fait, tout à fait. Il a commencé sa carrière sa véritable carrière en tant que dramaturge. Il était non seulement dramaturge, mais il supervisait aussi la mise en scène. Il était là auprès de ce qu'on pourrait considérer comme sa troupe, puisqu'il faisait toujours revenir les mêmes acteurs. Et donc, il avait parfaitement conscience de toutes ces questions-là au moment de jouer la pièce. Alors, il était très attentif à ce que tous les mots qu'il écrivait puissent être prononcés de manière convaincante et correcte par ses acteurs. Donc, il va démissionner, va pas vraiment démissionner, il va quitter ses fonctions à Condorcet, mais il restera toujours un peu en disponibilité de l'Éducation nationale. Il se met en congé de l'Éducation nationale, ce qui n'est pas vraiment une démission. C'est-à-dire que s'il avait voulu reprendre un poste, il aurait pu... Surtout au début où il ne veut pas totalement démissionner. Et c'est peut-être aussi pour ne pas froisser son père qui avait tant voulu faire de lui un professeur dans le secondaire, voire de l'université. Donc il est toujours resté quelque part un petit peu attaché à ce métier de l'enseignement. Et d'ailleurs, il continuait de compter les cachets en monnaie Condorcet. Tout à fait. Surtout au début de sa carrière, c'est-à-dire que quand il a commencé à gagner de l'argent grâce à ses pièces, il convertissait toujours les cachets et l'argent qu'il gagnait en mois de salaire qu'il gagnerait à Condorcet avec ses sommes. Et donc, il le dit notamment dans la préface de Topaz, voilà, j'avais gagné 5 ans d'enseignement à Condorcet, donc je me suis dit que je pouvais me mettre en disponibilité et travailler sur mes pièces. Donc c'est vrai qu'il avait cette valeur aussi toujours, cette valeur de l'argent en fait, de conversion de son ancien salaire de professeur à ses nouveaux cachets d'artistes et d'écrivains. Et c'est vrai que ça va se passer rapidement assez bien pour lui. Donc la première pièce, Les Marchands de gloire, c'est plutôt un succès d'estime. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent assister à la pièce. Mais dès Topaz, il y a un succès qui est un vrai succès, hein, Hélène Rivière. Absolument. En fait, là, comme vous le disiez, avec Les Marchands de gloire, c'est plutôt un succès critique, mais qui ne rencontre pas tellement son public. Puis c'était encore une pièce qu'il écrivait en collaboration avec Paul Nivois, parce qu'il a écrit ses premières pièces avec cet ami. Topaz, c'est une des premières pièces qu'il écrit tout seul et qui rencontre un immense succès populaire. Donc c'est vraiment... C'est ce qui marque le véritable début de sa carrière auprès du public. Alors, il s'installe dans le 16e arrondissement de Paris. Il va y rester d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. À quel point est-ce qu'il est à Paris ou dans le sud de la France ? Il s'installera dans le 16e arrondissement quand même un petit peu plus tard, quand il aura plus de moyens. Mais disons qu'il s'est très très bien fait à la vie parisienne et qu'il retournait régulièrement dans le sud de la France, surtout à partir du moment où il a acheté un domaine pour y réaliser ses films, puisqu'il voulait beaucoup tourner en décor naturel, donc à partir des années 30. Et là, il avait des attaches encore plus importantes, puisqu'il avait des locaux de production à Marseille, des domaines à la Treille, donc il y revenait quand même assez régulièrement. Donc on pourra également en dire un mot, peut-être signaler quand même qu'il a habité dans un immeuble où il y avait beaucoup d'écrivains, qu'il a notamment percé, je crois, la baignoire de Malraux. Oui, en voulant faire des travaux. C'est ce qu'il raconte dans un certain nombre de ses préfaces, qu'il, dans ses années de vie de bohème, il habitait dans un quartier et dans un immeuble où il côtoyait des écrivains. Il le raconte d'ailleurs tout à fait sur le mode de l'anecdote et on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait eu des échanges très poussés avec Malraux, ni même si c'est... Bon, je ne pense pas que ce soit faux, mais voilà, c'est vraiment sur le mode de l'anecdote. Et oui, il était un petit peu baigné dans ce milieu des artistes parisiens du XXe siècle. Ce à quoi on ne pense pas immédiatement quand on pense à Marcel Pagnol, en fait. Oui. Alors, après Topaz, il y a quand même Marius, qui va être encore une amplification du succès au théâtre pour Marcel Pagnol. Absolument. En fait, il a écrit les deux pièces en même temps, puisqu'il avait tendance à toujours écrire ses œuvres par deux. Pourquoi ? Il y a une raison ? Alors, je ne saurais pas expliquer. Ce serait intéressant de voir ça en génétique des textes, quels sont les échos entre les pièces qu'il écrivait en même temps. Mais il se trouve qu'il écrivait ça en même temps. Et c'est pour ça que Marius a été créé un an après Topaz, donc assez rapidement. Et là, oui, il a rencontré un succès encore plus important avec cette pièce, comme on l'entendait dans les archives, qu'il ne pensait même pas créer à Paris, qu'il avait pensé pour Marseille, puisqu'il estimait que le sujet était trop local. Or, un soir, je dînais solitaire dans un petit restaurant de la rue Blanche lorsque je vis entrer Pierre Blanchard. Il venait de tourner 5 ou 6 films muets qu'il avait rendus très célèbres. Ce soir-là, il avait l'air très excité, car il commença à me parler avant même d'avoir refermé la porte. Il me dit « Je viens de Londres, où j'ai vu une chose extraordinaire, un film parlant. Ça s'appelle Broadway Melody et ça se joue au Palladium. Il faut absolument que tu ailles voir ça. » Bien, je partis le lendemain pour Londres, où je restais 3 ou 4 jours, et j'allais voir 5 ou 6 fois de suite Broadway Melody. Évidemment, la technique de cette époque n'était pas encore ce qu'elle est devenue après 30 ans de recherche et de perfectionnement. La jeune première s'appelait Bessie Love. Par moments, elle avait un timbre de voix tout à fait charmant, mais dans d'autres scènes, par exemple quand elle gémissait, on aurait dit qu'elle gémissait au fond d'un tonneau. Quand elle chantait, on pensait à un mirliton. Mais enfin, ces sons étranges semblaient vraiment sortir de ses lèvres, et comme j'avais une confiance absolue dans le génie des chercheurs et dans l'ingéniosité des techniciens, je pensais que l'ère nouvelle venait de s'ouvrir. Compagnie des œuvres sur France Culture et Marcel Pagnol, toujours Hélène Rivière, qui parle à présent du cinéma. Pourquoi est-ce qu'il passe à ce nouveau médium alors que ça marche si bien pour lui déjà au théâtre? Qu'est-ce qui l'attire vraiment dans le cinéma? Je pense que c'est vraiment le côté de progrès technique qu'il a toujours passionné. Mais un peu comme un jeu, enfin un côté bricolage aussi, oui, parce qu'il adorait bricoler. Je crois que les ateliers dans les maisons où il s'installait, c'était la première chose qu'il aménageait. Absolument, c'était un grand bricoleur qui a même construit un prototype de voiture dont il a déposé un brevet. Enfin voilà, il aimait tout ce qui proposait des défis techniques en fait. Et donc quand il entend parler de ce nouveau médium qui est le cinéma parlant, il se prend de passion pour ça. Et c'est surtout qu'en fait, il a enfin l'impression de pouvoir accéder à quelque chose, puisque pour lui, le théâtre, voilà, c'est vraiment les dialogues, la voix des acteurs. Et jusqu'ici, le cinéma muet ne lui offrait pas cette possibilité, donc finalement ne l'intéressait pas tellement. À partir du moment où le cinéma accède à ce degré supérieur de technique, il trouve que ça devient très intéressant et ça va être l'un des pionniers du cinéma parlant en France. Donc il se précipite sur cette technologie. D'ailleurs, on entendait dans l'archive déjà cette préoccupation pour la prise de son, pour la fidélité à la voix des acteurs. Et c'est quelque chose qui va l'animer pendant toute sa carrière de réalisateur. Et quelques années plus tard, il va être l'un des premiers à utiliser un procédé franco-français de couleur, de cinéma couleur. Ça existait déjà aux États-Unis, mais lui, il va le faire avec un procédé local. Voilà, ce sera le Roucolor qui sera le seul exemple. Voilà. Moins connu que le Technicolor. Voilà, et c'est le seul exemple en fait de ce procédé de couleur en France, puisque toujours dans cette volonté de progrès technique et de confiance en, justement, comme il disait, dans les chercheurs et le savoir, et avec en même temps cette fibre un peu patriotique qui est d'utiliser des procédés français pour concurrencer le cinéma américain et le Technicolor, il va tourner un film d'ailleurs tout à fait étrange en fait, La Belle Meunière, qui est une comédie musicale sur Schubert interprétée par Tino Rossi. Qui n'a pas très bien marché. Non, pas très bien. Ça a dérouté beaucoup le public, en fait. C'était assez étrange. Et puis avec ce procédé du Roucolor, qui rendait les couleurs assez bien, mais qui n'était pas aussi performant que le Technicolor. En plus, il se trouve que dans l'une des salles qui a projeté ce film, il y a eu un incendie, qui n'était pas lié avec le procédé du Roucolor, mais qui a aggloméré tout un tas de problèmes. La suspicion était là. Voilà, tout à fait. Et donc ça a été la seule tentative de Roucolor dans l'histoire du cinéma français et qui a été en fait un échec. Alors il va construire ses studios. Ça, c'est quand même quelque chose de très original. Tout à fait. Donc il achète des domaines en fait au-dessus de Marseille et également des studios et des cinémas dans Marseille. Et il avait la volonté de créer un véritable Hollywood provençal, c'est l'expression qu'il employait, toujours dans cette volonté d'être autonome en fait, et d'être totalement indépendant d'un bout à l'autre de la chaîne de création de ses films. C'est-à-dire qu'il en écrivait les dialogues, les scénarios, il les réalisait, mais il avait aussi les lieux de tournage, les sociétés de production et de distribution, il maîtrisait tout d'un bout à l'autre de la chaîne. Alors est-ce que ça c'est important pour son cinéma? Parce que on imagine que de temps en temps il fallait quand même mettre quelque chose dans ses studios, il y avait du personnel qu'il fallait payer, etc. Est-ce que de temps en temps il se disait pas, ah là il faut que je fasse un film, allez je fais un film, j'ai 2 mois pour le faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Si, parfois il procédait un peu de cette manière-là, puisqu'il avait dans son emploi du temps quelques semaines vacantes, et alors il proposait des courts-métrages. Ou c'était aussi parce qu'à cette époque-là, souvent au cinéma, on proposait les films avec un long-métrage et un court-métrage. Donc voilà, il y avait cette perspective parfois un peu utilitariste qui l'a poussé à créer des choses. C'est intéressant aussi artistiquement comme démarche. Oui, parce qu'en fait, on voit que d'ailleurs, quand on regarde les castings, il réutilise souvent des acteurs de sa troupe de théâtre et les acteurs qui sont censés jouer dans le film d'avant ou d'après. Donc c'est pour ça qu'on a cette récurrence souvent. Bon, on pense à Rému, Mili Matisse, Ali Darouf, un petit peu tous ces acteurs-là. Et qui aussi le poussent à parfois tourner un peu, parfois tourner dans l'urgence, mais parfois aussi, et ce qui a pu décontenancer certains de ces acteurs, tournait de manière assez décontractée. C'est-à-dire qu'ils ne respectaient pas nécessairement les plannings et les emplois du temps, étant donné qu'il... il était chez lui, donc il faisait un petit peu comme bon lui semblait. Et c'est vrai que certains acteurs, comme par exemple Fernandel, qui était habitué à tourner de manière beaucoup plus rigoureuse, ne l'a pas toujours très bien vécu. Oui, mais Rému trouvait ça sans doute plus à son goût. Je pense que c'était tout à fait au goût de Rému, et c'est pour ça qu'ils se sont très bien entendus, même s'il y a eu des frictions, des heurts, parce que c'était quand même 2 caractères extrêmement forts. Mais voilà, c'est un petit peu tout le contraste entre Rému et Fernandel, qui n'avaient pas du tout les mêmes manières de travailler et qui ont pu s'affronter d'ailleurs. Alors, dans ces studios, il pouvait arriver qu'il y ait des productions extérieures. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, que les Allemands envahissent le pays, je crois que c'est en tout cas ce que dit Pagnol lui-même. Les Allemands ont demandé à ce qu'il fasse des films pour eux et il aurait refusé. Ça vous semble juste? Oui, alors c'est assez compliqué cette question de ce qu'a fait Pagnol pendant la Seconde Guerre mondiale, du moins au début. Ça a fait beaucoup de débats et récemment, des chercheurs ont réussi à retrouver certaines archives et à mieux comprendre ce qui s'était passé. Et donc, c'est vrai qu'en fait, lui-même a tourné jusqu'en 1941, mais a cessé un film en plein milieu, La prière aux étoiles. Il a cessé de le tourner en plein milieu du film. Pourquoi ? En fait, il commençait à être vraiment trop sollicité par l'appareil de propagande nazi qui lui demandait de faire certains films, d'insérer des choses. Et il a essayé de se soustraire à cette influence en fermant ses studios. Et à partir de 1941, vraiment, il a... Donc il les ferme, mais un peu tard. C'est ça qu'on lui reproche reproche autre chose ? Bon, et c'est surtout qu'il a tourné en 1940 La fille du puisatier, qui se passe exactement au même moment que le moment du tournage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du tournage, il ajoute des éléments, y compris la défaite de la France en 1940, et il intègre le discours de Pétain à la radio dans une des scènes très importantes de La fille du puisatier. Donc ça, après la guerre, ça a beaucoup posé question, parce que on s'est demandé est-ce que c'était une manière de mettre en valeur Pétain. Or, il se trouve qu'en fait, quand on regarde le film, pas tellement, puisque les personnages sont absolument catastrophés. On n'a aucune parole positive sur ce qui vient de se passer. C'est une catastrophe, réellement. Mais le fait d'intégrer ce discours et les événements politiques de ce moment-là dans un film, en le tournant en même temps, ça a été assez problématique. Et après-guerre, vous pensez qu'il y a suspicion, donc sur Pagnol, une suspicion qui dure plus longtemps qu'il n'aurait souhaité, sans doute? Assez rapidement levée, en fait, puisque, bon, après-guerre, tous les écrivains et artistes ont un petit peu été passés au crible pour savoir quelles avaient été leur attitude vis-à-vis de la collaboration et des nazis. Et il se trouve qu'en fait, Pagnol lui-même a été plus ou moins mis à la tête d'un organisme qui était chargé de déclarer si les artistes s'étaient plus ou moins bien conduits. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il n'était pas au-dessus de tout soupçon, mais il était quand on même plutôt confiance. Bien. Voilà, on lui faisait confiance pour faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que aussi les éléments d'idéologie qui étaient dans ces films depuis même les années 30, cette importance de la terre, de la famille. Ben, c'est vrai que c'est des thématiques qui sont revenues sous le régime de Vichy. Et qui tout d'un coup correspondent avec quelques... Il y a quand même une correspondance qui a été malheureuse et malheureusement reprise par certains idéologues vichistes. Alors, la suite de la carrière de Pagnol, c'est donc le retour, la tentation des mémoires, et même plus qu'une tentation, puisque pendant 20 ans, il va donc écrire, alors il va revenir aussi un peu au théâtre et au cinéma, il n'abandonne pas vraiment les choses, même si ses studios à un moment donné vont brûler dans les années 60, mais c'est vraiment un homme de plume et un homme qui entre à l'Académie, qui va être l'essentiel de la fin de la vie de Marcel Pagnol, Hélène Rivière. Oui, tout à fait. Il accède vraiment à cette posture d'écrivain dans la dernière partie de sa carrière. Et c'est comme une sorte de retour à ce qu'il voulait faire au départ. Et au sortir de la guerre, il est élu à l'Académie française, qui a été passablement touchée par beaucoup de morts. Il candidate, il est élu et à partir de là, il a vraiment à cœur d'installer son image d'écrivain lettré et respectable. Et c'est pour ça qu'il se replonge dans ses traductions et dans... Traduction de Shakespeare notamment. De traduction de Shakespeare, une traduction de Virgile, tout à fait. Mais on peut sentir tout de même chez lui, peut-être, vous allez nous le dire Hélène, une certaine mélancolie. Vieil Henri, ça me prend comme ça brusquement. Je suis en train d'écrire un film sur un vieux cahier de comptable que j'ai volé au bureau de l'usine. Je t'écris à la suite et puis je déchirerai la page pour te l'envoyer. Ton article dans Cinémonde m'a fait un très gros effet. Je ne saurais pas bien dire lequel. Tu sais qu'il y a des moments dans la vie où on se sent très seul, surtout dans notre couillon de métier. Un four noir vous écrase et attire tout un tas de rigoleurs. Un succès vous isole complètement. Les rigoleurs grincent des dents et ne sont pas plus que gentils pour ça. Évidemment, on a un certain plaisir à voir jaunir la gueule des envieux et des jaloux, mais c'est un plaisir malsain et qui ne fait pas très plaisir. Ton article est plein d'amitié, de la vraie, de l'ancienne. Non seulement il m'a fait plaisir, mais il m'a foutu le cafard. Ça commence à sentir les souvenirs, les mémoires, on s'approche peu à peu du nécrologique, et cette tendresse ironique et discrète qui en fait le charme et le prix, c'est exactement celle que je ressens pour toi, pour Steve, pour Marcel. Elle est un petit peu humide de regrets. On a eu tort de devenir célèbre, on n'a pas été assez amis. On s'est fait des maisons, on a eu des femmes qui achètent des rideaux, des moulins à café et même des meubles. Elles nous ont fait des intérieurs qui n'étaient plus des garnis ou des bistrots. Bref, on est cuit. On n'a même pas la force de répondre. Et c'est pour ça que les années passent si vite. C'est parce qu'on dort debout, on ne s'aperçoit de rien. Alors quand Pagnol meurt en 1974, il est riche, il est couvert d'honneur, il vit dans un château, le château de ma mère, hein, celui qui est décrit dans ses souvenirs. Est-ce que cette lettre adressée par Pagnol à son ami, le mémorialiste et journaliste Henri Janson, et qui était lu là par Catherine Allégret, est-ce que cette lettre, elle donne une bonne idée, selon vous, aussi de l'état d'esprit de Pagnol à cette époque-là, à la fin de sa vie? Oui, absolument. Alors bon, il ne vit plus dans ce château qu'il a vendu depuis, mais bon, effectivement, il est extrêmement riche et couvert d'honneur. Et oui, c'est tout à fait représentatif de son état d'esprit à ce moment-là, puisqu'on le retrouve dans de nombreuses lettres, en fait, y compris, par exemple, à Giono, à qui il envoie... des volumes de ses souvenirs d'enfance, justement, et il lui présente en lui disant « Voilà, je commence à rassembler mes bagages, c'est la fin. » Et donc, il sent vraiment s'approcher cette fin de vie. Mais la mélancolie, ça commence quand? À quel moment? Je pense qu'elle a toujours eu de la mélancolie. Oui, oui, elle a toujours été présente, notamment si on pense... à tout le cynisme et le côté désabusé dès le début de ces pièces, et qui portent déjà une certaine mélancolie et une vision assez noire, finalement, de l'humanité, en fait. Et ça continue et ça se traduit de plus en plus en mélancolie, puisque on retourne nostalgique sur les souvirs, sur, de toute façon, plus il vieillit, plus il se retourne vers son passé. Eh bien, nous, on va se retourner aussi sur son passé toute cette semaine dans la compagnie des œuvres. Merci beaucoup, Hélène Rivière, d'être venue nous parler aujourd'hui de la biographie de Marcel Pagnol. Et puis, on suivra votre parcours dans la recherche visant à éclairer davantage cet auteur. Tout de suite, la chronique. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Thank you. Une chronique présentée aujourd'hui par Guillaume Ledouarin de la revue Page des libraires. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Et merci d'être avec nous. Vous nous parlez aujourd'hui du livre de Joseph O'Connor, Le bal des ombres, publié par les éditions Rivage. Alors effectivement, et en préambule, je vais vous parler d'abord de Joseph O'Connor, qui est un auteur irlandais. Oui, ce nom nous dit quelque chose. Voilà, c'est un auteur important. Il fait partie de cette génération qui avait véritablement renouvelé la littérature de son pays. Et pour la petite histoire, c'est le frère aîné de la chanteuse Sinéad O'Connor. Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre? Eh bien, l'auteur nous donne à lire une libre adaptation de la vie de Bram Stoker, le génial écrivain, dont on connaît surtout le roman épistolaire Dracula. Alors, au début, Stoker est un simple employé pour la justice au château à Dublin. Il a un peu écrit, mais rien de significatif, et il prête peu d'attention à ses droits d'auteur, d'ailleurs au grand dam de son épouse. Mais un soir, lors d'une représentation au théâtre, il tombe véritablement en admiration et en amitié avec Henry Irving, le célèbre acteur anglais. Cet Irving va d'ailleurs beaucoup inspirer Stoker pour le personnage de Dracula. Cet acteur a un projet un peu fou, c'est d'acquérir un théâtre à Londres et de le restaurer. Ce sera le Lyceum qui existe toujours aujourd'hui. Alors il embarque Bram dans ce projet incroyable et lui confie le poste d'administrateur. Celui-ci, sans aucune expérience, va mener à bien ses différentes missions. Alors, il colmate une fuite dans le toit, il paye les acteurs, il nettoie l'urine des chats dans le théâtre, j'en passe et des meilleurs. Mais quoi qu'il en soit, ce Bram Stoker se débrouille très bien, même face à la folie des grandeurs d'un Irving très shakespearien. Alors, il réussit tellement bien que dans la troupe, on le surnomme Tati, tellement il est apprécié. Mais ce personnage de Stoker est loin d'être aussi lisse qu'on le croit. Au contraire, c'est un homme tout en contraste et dès la nuit tombée, il se débat avec ses démons. Alors il part errer dans Londres, dans les quartiers interlopes, à la recherche d'amour dont on comprend rapidement qu'ils étaient interdits à l'époque. Et d'ailleurs, la figure d'Oscar Wilde est très présente dans ce livre. Alors c'est un auteur aussi qui lutte avec ses peurs et avec l'écriture. D'ailleurs, il aménage une pièce au grenier du théâtre où régulièrement, il tente de coucher sur le papier ses différents projets. Alors moi, ce livre m'a beaucoup plu parce que c'est aussi le combat d'un homme, mais aussi une ambiance de l'époque victorienne. Joseph O'Connor nous plonge carrément au cœur de cette période contrastée, faite de progrès et de peurs. Sont évoquées notamment la misère du prolétariat, les vieilles luttes entre catholiques et protestants, et surtout les angoisses liées à la famine et aux épidémies. Et il y a aussi la figure de Jack l'Éventreur qui rôde dans Londres. Tout ça nous renseigne évidemment sur la genèse de Dracula. J'ai beaucoup aimé en tant que libraire les différentes références littéraires, historiques qui traversent et ponctuent ce livre. Alors on croise Bernard Shaw qui se fait égratigner, Oscar Wilde à plusieurs reprises. Et il y a une très très belle lettre entre Bram Stoker et Walt Whitman, au moment où il y a cette tournée aux États-Unis. Walt Whitman, c'est l'auteur de Feuilles d'herbe. Alors, et puis, sont évoqués aussi beaucoup d'auteurs des époques précédentes, donc Chaucer, Samuel Pepys. Toute cette ambiance m'a évidemment beaucoup réjoui. Et est-ce que ça vous a fait rire aussi? Alors, c'est un roman qui m'a beaucoup amusé. Je pense que l'auteur s'est beaucoup amusé lui aussi en l'écrivant, certainement, même si cet humour est parfois un peu grassant et noir, notamment quand sont évoqués les rapports entre ces Irlandais et les Anglais. Mais ce livre reste éminemment divertissant. Je vais vous donner une dernière anecdote. À un moment, le comte Dracula envoie une lettre à Bram Stoker pour se plaindre du traitement qu'il subit dans le roman, et il conclut la missive par un génial « Le déçu de Transylvanie ». Je pense que c'était un roman à dévorer à pleines dents, si je puis dire. Le bal des ombres, c'est chez Rivage. Merci Guillaume Ledouarin de la librairie L'Écume des Pages et aussi de Pages des Libraires. Notre émission se termine. La compagnie des œuvres, c'est Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Didier Pinault, Pierre Cataneo et aujourd'hui Théo Gomard. Dans un instant sur France Culture, vous retrouvez les sciences.